Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Et aujourd'hui, mois de l'imaginaire oblige, nous nous glissons dans la peau des bonnes fées qui se penchent sur le berceau d'un nouveau-né pour lui porter bonheur. Le nouveau-né en question, c'est une paire de livres, La science fait son cinéma et comment parler à un alien, paru hier, qui sont les deux premiers volumes d'une nouvelle collection Parallax aux éditions du Bélial, collection qui ambitionne de parler de science à travers la science-fiction, d'utiliser la fiction comme hypothèse scientifique pour la soumettre à l'examen, à la méthodologie de toutes les sciences, aussi bien la linguistique que la physique, le tout sous le haut patronage d'un nom qui ne vous est pas tout à fait étranger, auditeur de la méthode scientifique, celui du camarade Roland Lehoucq. Parallax, le nouveau laboratoire de la science-fiction, c'est le problème qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, et pour se pencher donc sur ce berceau, je vous le dis, c'est le mois de l'imaginaire. Tout au long du mois d'octobre, on va vous mettre sur le fil Twitter le lien vers ce mois de l'imaginaire qui recense un certain nombre d'initiatives pour mettre à l'honneur toutes les littératures de l'imaginaire, dont la science-fiction. C'est important, nous militons dans cette émission pour ces littératures de l'imaginaire. Nous avons donc réuni trois bonnes fées en les personnes donc de Roland Lehoucq, qui est aussi l'heureux papa. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, président des Utopiales, qui approche à grands pas, dont vous nous direz un mot à la fin de l'émission. Frédéric Landragin, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur en linguistique au CNRS, auteur donc de l'un des deux ouvrages « Comment parler à un alien, langage et linguistique dans la science-fiction ». Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Drôme Ardèche à Valence avec Jean-Sébastien Steyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes paléontologue au CNRS au Muséum National d'Histoire Naturelle et co-auteur donc avec le Roland Lehoucq en question de l'autre volume de cette nouvelle collection Parallax, La science fait son cinéma. La famille est donc au complet, mais comme tous les vendredis, elle ne serait pas vraiment complète sans la cousine éloignée qui s'invite à la table du grand festin de l'actualité scientifique de la semaine. C'est Natacha Triou pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Le Journal des Sciences. Et un Journal des Sciences à connotation très spatiale cette semaine, puisqu'on commence avec un retour sur l'échec du décollage de la capsule Soyouz il y a une semaine en Russie, en route pour la Station Spatiale Internationale. Oui, ce qui est rarissime, hein. Historiquement, Soyouz est le lanceur le plus fiable. Pas d'accident depuis 1983. Les deux astronautes russes et américains en sont sortis sains et saufs par éjection automatique. Alors comme après un crash aérien, une enquête est en cours. Les résultats doivent être publiés demain. Mais on a déjà une petite idée de ce qu'il s'est passé. Au moment de la séparation du premier et du deuxième étage de la fusée, une panne moteur a fait avorter le vol. Pour le moment, le vaisseau taxi pour l'ISS est donc en quarantaine. Et cela soulève plusieurs problématiques. La situation n'est pas catastrophique. En revanche, l'avenir de la station, elle, et préoccupante. Jean-François Clairvoy est astronaute, il nous explique ce que cet accident implique. Les Russes ne vont pas relancer des astronautes tant que la fusée qui a subi un défaut la semaine dernière n'a pas révélé la cause du problème. Les impacts, c'est que l'équipage qui est là-haut, il a un Soyouz qui les a amenés dans l'espace en juin et qui a une durée de vie limitée en orbite de 200 jours. C'est-à-dire qu'au plus tard, vers la fin décembre, début janvier, l'équipage qui est en haut, en ce moment, doit redescendre. Et s'il redescend avant qu'on ait pu renvoyer à nouveau des astronautes dans la station, c'est-à-dire que la station va fonctionner dans un mode dit inhabité, sans personne à bord. Or, elle n'a pas été conçue pour ça. Il faut quand même savoir que les Russes sont les seuls à transporter l'équipage vers l'ISS, tous les équipages depuis 10 ans, et c'est les seuls qui fournissent la chaloupe de sauvetage capable de ramener l'équipage à tout moment depuis 18 ans qu'elle est habitée en continu. Ce que nous apprend cet accident, la semaine dernière, c'est la même leçon qu'on avait tirée de l'accident de Columbia il y a 15 ans. C'est très important d'avoir deux moyens indépendants d'accès. Voilà, et comme vous venez de l'entendre, hein, c'est vrai que la NASA a arrêté donc de faire de la navette spatiale depuis l'accident de Columbia, enfin, qui était en 2003, mais enfin depuis 2011 en tout cas, il n'y a plus d'autres moyens, Natacha, de transport vers l'ISS. Il faut aussi rappeler que cet accident intervient dans un contexte assez particulier entre la NASA et Roscosmos. Il y a un mois, on a découvert un trou de quelques millimètres dans la paroi du Soyouz à bord de la station. De l'air fuyait tout doucement. L'enquête a révélé qu'il s'agissait d'un trou de perceuse depuis l'intérieur de la capsule. Le directeur de l'agence russe avait alors crié au sabotage américain avant que les échanges avec la NASA ne s'apaisent. Alors cette défaillance de décollage et ce trou dont on ne connaît pas l'origine, ce sont deux épisodes distincts, mais ils révèlent une relation aigre-douce entre les États-Unis et la Russie. Éclairage avec Xavier Pascaud, directeur de la Fondation pour la Recherche Stratégique. L'enjeu aujourd'hui, c'est d'être capable, pour les agences spatiales, eh bien de faire en sorte que Soyouz redevienne opérationnel avant cette date butoir, en sorte qu'il y ait un remplacement d'équipage et non pas une station qui resterait inhabitée pendant quelques temps. Et puis, il y a un aspect symbolique, si vous voulez. On est dans un programme qui est quand même en fin de vie. La station spatiale, aujourd'hui, son échéance, c'est 2026, 2028 peut-être, si on étend sa durée de vie. Mais on voit qu'on est dans une phase du programme où il ne faudrait pas grand-chose pour finalement que ce programme soit définitivement abandonné. L'espace est aussi le miroir de ce qui se passe sur Terre, d'une certaine manière. On est dans un contexte géopolitique assez bouleversé en ce moment. Le sujet de la dépendance américaine vis-à-vis des Russes, qui existe depuis plusieurs années, concernant le transport d'astronautes, c'est un sujet qui obsède les élus américains, et notamment au Congrès, qui en ont fait presque un cheval de bataille pour affirmer chacun d'entre eux, finalement, une forme de nationalisme américain et de volonté. Et là, c'est très symbolique aussi, c'est beaucoup plus symbolique qu'autre chose, puisqu'en réalité, ce ne sera pas nécessairement moins coûteux, mais en revanche, ça montrera que l'Amérique revient, d'une certaine manière, comme une grande puissance dans l'espace. Et finalement, il y a cette idée que la Russie a pris un peu les rênes du programme spatial habité américain. Voilà, et puis puisqu'il n'y a pas que la Russie, les États-Unis et l'Europe dans l'espace, nous parlerons mardi dans la méthode scientifique des ambitions asiatiques, notamment de la Chine et de l'Inde. En bref, la nuit qui vient, en Guyane, le lancement d'Ariane 5 avec à son bord les deux sondes Bepi Colombo dont nous vous parlions il y a 10 jours, après qu'ils vont aller explorer Mercure. Mercure, la planète la plus mystérieuse de notre système solaire, c'est la plus proche du Soleil, la plus petite mais surtout la moins explorée. Après 20 ans de préparation, Bepi Colombo a donc pour mission de percer ses nombreux mystères. En effet, rendez-vous dans la méthode Mercure, la petite planète qui grimpe. Et on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission tout de suite. Deuxième sujet de ce journal des sciences, cette semaine, c'était la semaine dernière d'ailleurs, des chercheurs chinois ont donné naissance à des souriceaux à partir de deux souris femelles génétiquement modifiées. Il y avait déjà eu des tentatives en 2004, mais là c'est la première fois que l'expérience est si concluante, les souriceaux sont en parfaite santé. Cette expérience touche à la question de la parthénogenèse. La parthénogenèse, donc, c'est la reproduction non sexuée. C'est très répandu dans la nature, cela devient très rare chez les vertébrés et cela disparaît complètement chez les mammifères et les oiseaux, à l'exception de la dinde. Cette équipe chinoise chercher à mieux comprendre pourquoi les mammifères ne peuvent se reproduire que par voie sexuée. Normalement, les mammifères héritent d'une moitié de leur génome de leur mère et de l'autre de leur père. Comment les scientifiques ont-ils transgressé les barrières biologiques mâles femelles? Le généticien Axel Kahn nous explique la méthode. On a pris un ovocyte et cet ovocyte a été fécondé avec une cellule souche. Haploïde, ça veut dire quoi, haploïde? Les cellules de l'organisme ont deux jeux de chromosomes. Elles sont diploïdes, elles ont deux N de chromosomes. Mais les gamètes, les ovocytes des femelles et les spermatozoïdes des mâles n'ont évidemment que N chromosomes. Elles sont haploïdes et c'est la raison pour laquelle quand un spermatozoïde féconde un ovocyte, on a un œuf avec deux N diploïdes et on reconstitue un organisme diploïde. Donc ici, cette équipe chinoise est partie d'une cellule souche haploïde modifiée génétiquement par ce que l'on appelle l'édition de précision des génomes, le système CRISPR-Cas9, dont la méthode scientifique a parlé bien des fois et qui consiste à réécrire des portions de génome. Mais en particulier, ce qui a été fait, c'est de corriger les gènes soumis à empreinte, les gènes qui, en général, empêchent la parthénogenèse. C'est très intéressant, d'un point de vue purement fondamental, que ce mécanisme. Et donc, comprendre quels sont les blocages à la parthénogenèse. Mais, effectivement, l'on peut se dire que en soi, au moins la parthénogenèse, est transposable aux mammifères humains. Ça, c'est un peu de science-fiction, mais en effet, on peut se poser la question, si jamais on pouvait le faire, que faudrait-il en dire d'un point de vue éthique? C'est une question qui est largement ouverte à discussion. Et oui, on finira avec la reproduction sexuée. Ça pose évidemment un certain nombre de problèmes. Axel Kahn, qui était l'un des premiers parrains de la méthode scientifique et qu'on salue bien évidemment. En bref, maintenant, Claire Giry prend la présidence par intérim de l'Inserm après le départ d'Yves Lévy, Natacha. Yves Lévy, qui était à la tête de l'Inserm depuis 2014, sa présidence a été très critiquée à partir de 2017, lorsque sa femme Agnès Buzyn est devenue ministre de la Santé, avec tous les risques de conflits d'intérêts que cela comporte. Il vient d'être nommé conseiller d'État extraordinaire auprès de l'Élysée, une nomination qui continue de faire polémique pour les mêmes raisons. L'ancienne directrice générale déléguée Claire Giry le remplace et devient présidente de l'Inserm par intérim. Elle est docteure en biologie moléculaire et cellulaire et l'une des rares femmes pour le moment à diriger un centre de recherche en France. Et pour sa fin de mission, la sonde spatiale Cassini s'est jetée dans l'atmosphère de Saturne. Elle est passée entre les anneaux et on commence à avoir des résultats justement de ces dernières mesures dans la revue Science, Natacha. Les résultats sont très surprenants. C'est une région qui n'avait jamais été explorée. Cassini a découvert une nouvelle ceinture de radiation qui se forme entre la planète et ses anneaux denses. Cette ceinture contient des protons. Le rayonnement cosmique et les anneaux collaborent pour créer cette ceinture de radiation minuscule, mais très énergétique, nous dit l'étude. On apprend aussi que l'anneau intérieur déverse dans l'atmosphère de Saturne de la matière organique. Méthane, ammoniac, eau, dioxyde de carbone et autres molécules complexes. Donc non, les anneaux de Saturne ne sont pas composés principalement de glace. Il pleut de la matière, jusqu'à 5 à 45 tonnes par seconde. Une pluie qui altère la composition chimique de l'atmosphère de la planète. En bref, toujours lundi, la NASA a annoncé que Hubble, le télescope spatial, avait cessé de fonctionner. En cause, une panne de gyroscope. Sur les 6, il ne lui en reste plus que 2. Pour le moment, il est en mode veille. Hubble devrait reprendre ses observations ces prochains jours, bien qu'il ne soit plus dans des conditions optimales. Cela fait 28 ans quand même qu'il est en orbite. C'est l'observatoire historique de la NASA et on lui doit les images les plus détaillées du système solaire. L'agence espère le maintenir jusqu'au lancement de son remplaçant, le très puissant James Webb Télescope, prévu pour mars 2021. Et pour conclure, comme chaque semaine par notre rubrique de sciences improbables, les chercheurs en santé publique de l'université de Dartmouth aux États-Unis se sont posé une question essentielle, combien de joints y a-t-il dans les clips de rap? Ils ont même cherché à quantifier précisément le phénomène. Ils ont donc compté, un par un, le nombre de joints dans les clips de hip-hop. Alors joints, mais aussi pipe, chicha, vapote, cigarette, bref, la fumette. En tout, ils ont regardé 1250 clips du Billboard américain entre 2013 et 2017. Résultat, on y fume dans un clip sur deux. Ces dernières années, le placement de produits de marques de cigarettes électroniques fait même un tabac. Et avec un cumul sur YouTube de 49 milliards de vues en 5 ans, cela peut être un problème de santé publique, selon eux, notamment sur le public adolescent. Alors bien qu'on ne soit pas loin de l'annonce publicitaire, l'étude rappelle qu'aucune régulation n'encadre ces clips. L'association Hip-Hop Pétard n'est pas prête de partir en fumée. Merci beaucoup, Natacha. Je vous laisse retourner regarder des clips vidéo. Je ne résiste pas à la tentation, Roland. Le hook, puisque vous êtes à cette table, un petit mot peut-être sur les relevés de Cassini, justement cette barrière, cette ceinture énergétique autour entre Saturne et les anneaux. Oui, c'est très intéressant que Cassini ait pu, dans ses derniers instants, continuer à faire de la science vraiment jusqu'à l'ultime seconde, finalement, parce que ce sont des régions qui étaient très mal explorées, car considérées comme risquées pour la sonde, parce qu'elle passe dans des régions denses de matière et on n'est jamais à l'abri d'une panne, d'un problème qui viendrait d'une collision ou d'un problème technique, surtout qu'on passe aussi près de la planète, dans les zones où la ceinture de radiation est plus intense. Donc là, c'était quelque chose de très attendu. Cette fin de vie de Cassini est bien malheureuse, mais elle a fini vraiment au feu d'artifice en donnant le meilleur d'elle-même vraiment jusqu'au dernier moment. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Vendredi fiction cette semaine donc, puisque nous sommes en plein mois de l'imaginaire tout au long du mois d'octobre, un mois qui promeut toutes les formes de littérature de l'imaginaire, dont la science-fiction, et un vendredi fiction consacré donc à une toute nouvelle venue dans cette galaxie de l'imaginaire, une nouvelle collection depuis quelques jours, hier, allez, dans votre librairie préférée. Le nom de cette collection, c'est Parallax, c'est édité par le Bélial, c'est une collection qui a pour ambition de parler de science en prenant la science-fiction pour Prétexte, qui est donc dirigé par Roland Lehoucq, qui est à ma gauche, ici présent, qui co-signe d'ailleurs le premier volume. La science fait son cinéma avec Sébastien Steyer, qui est paléontologue, qui est en duplex avec nous depuis Valence. Et pour compléter le tableau de famille, donc nous recevons également Frédéric Landragin, qui est auteur du deuxième volume, Linguiste. Ce deuxième volume, c'est Comment parler à un alien, langage et linguistique dans la science-fiction. Alors bienvenue à tous les trois. Peut-être de la SF finalement, enfin, la SF pour parler de science, c'est évidemment un projet qui nous séduit à la méthode scientifique. Comment voulez-vous qu'il en soit autrement ? Roland Lehoucq, parlez-nous un peu de la jeunesse. Comment est venue l'idée de lancer cette collection ? Pourquoi ? Alors en fait, cette collection, elle est un peu dans le prolongement d'une rubrique que je tiens dans la revue Bifrost, qui s'appelle Scientifiction, maintenant depuis une vingtaine d'années, je dirais, et que j'ai initié avec le soutien, évidemment, et l'amitié d'Olivier Girard, qui, lui, dirige les éditions du Bélial et donc la revue Bifrost. Et puis, cette rubrique où moi, je parlais de physique. Moi, je suis physicien, astrophysicien, et donc j'utilisais beaucoup la physique, ou plutôt la physique pour analyser ces œuvres de fiction. Analyser, discuter, alors évidemment, faire la part du vrai et du faux, mais ça, c'était pas l'objectif initial, l'objectif principal, c'est plutôt de commenter, d'analyser, de comprendre ce qui nous est montré dans ces films de fiction et de finalement pratiquer les sciences, c'est-à-dire vraiment de mener une enquête scientifique sur ces œuvres de fiction d'une enquête physicienne. Et puis au fil du temps, j'ai eu le plaisir d'accueillir d'autres scientifiques, Sébastien Steyer, Frédéric Landragin, François Moutou, Alain Musset. Alors scientifiques, là, il faut le comprendre en un sens large. Certains sont des scientifiques des sciences naturelles, disons des sciences dures, comme on dirait, et d'autres des sciences humaines, qui sont plus du côté des sciences humaines. Finalement, à la fois le succès de Scientifiction, le succès des conférences que j'en tire, parce que je fais un certain nombre de conférences, une cinquantaine chaque année, dont beaucoup tournent autour des rapports entre science et science-fiction, de l'utilisation de la science-fiction pour pratiquer les sciences, pour moi, singulièrement la physique, eh bien, nous ont donné l'idée. L'idée a mûri lentement. Il fallait à la fois qu'on sente qu'il y avait, disons, une sorte de support du public, et en même temps que les éditions du Bélial acceptent l'idée. Éditions du Bélial qui éditent de la science-fiction, mais des romans, et qui n'étaient pas, aguerris ou a priori légitimes pour supporter une collection qui reste une collection de vulgarisation scientifique en prenant la science-fiction comme prétexte. Donc c'est quand même une collection de science avec de la science-fiction dedans, ou comme on le fait aux Utopiales, un festival de science-fiction avec de la science dedans. C'est vraiment pour retisser finalement les liens initiaux qui liaient la science-fiction naissante, la proto-science-fiction, disons, à la Jules Verne et les sciences de son temps. Vous aviez déjà un peu œuvré en la matière, puisqu'on avait fait une émission d'ailleurs avec vous à propos d'un livre que vous avez fait autour de Star Wars, de la science dans Star Wars. Est-ce que l'écueil un peu de passer au crible de la science, de la scientificité, la science-fiction, c'est pas un peu perdre, déconstruire l'imaginaire, de dire ah bah oui, le sabre laser, bah on peut, mais en fait non, on peut pas, voilà ce que dit. Enfin, est-ce que c'est pas un peu désenchanter la science-fiction de vouloir absolument la lire à travers le prisme scientifique? Alors, ça pourrait être compris comme ça, mais d'abord, ce n'est pas notre intention, bien entendu, puisque ce sont des littératures que tous les auteurs futurs et présents de la collection Parallax aiment, donc c'est un genre qu'ils aiment, il est loin de leur intention de l'abîmer, d'une certaine façon. Et effectivement, on pourrait craindre ça, mais en fait, pas du tout, puisque de toute façon, le rêve ne se nourrit pas d'ignorance, et que d'autre part, on réalise que en lisant cette littérature et les films qui vont avec, aussi bien souvent pour les films, en la lisant avec le prisme, un autre prisme, celui des sciences humaines, des sciences dures, eh bien, on la voit sous un autre jour. Et donc finalement, on révèle, on enrichit cette littérature par une nouvelle lecture. On peut en faire une lecture bien sûr esthétique, une lecture littéraire, une lecture politique, une lecture sociale. Il y a plein de façons d'envisager, de discuter, de s'intéresser à la science-fiction. Et cette lecture supplémentaire, à mon avis, enrichit l'œil, enfin le regard qu'on peut avoir sur elle. Et donc finalement, à mon avis, je ne vais pas dire enrichir le genre, parce que nous n'écrivons pas de la science-fiction, nous utilisons ce qui est écrit pour parler de science. Le but, ce n'est pas que parler de science-fiction, c'est parler de science, mais en même temps, en ayant, je pense, un goût profond, un amour profond même pour ce genre. Frédéric Landragin, vous avez donc signé l'un des deux ouvrages qui initie cette collection, Comment parler à un alien. Vous êtes linguiste. Quels sont les liens qu'on peut tisser entre la science-fiction, votre pratique peut-être personnelle, c'est-à-dire votre rapport vous-même à la littérature, au corpus de littérature de science-fiction, et votre discipline universitaire? Alors moi, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que j'ai commencé à lire de la SF depuis tout petit. Voilà, c'est une passion. Et très vite, j'ai été intéressé par le contact avec les extraterrestres. C'est quelque chose qui m'a fasciné. Et en faisant ce livre, j'avais envie de mettre un petit peu en avant le fait que finalement, tous ces romans parlent de linguistique, parfois sans le savoir. Et donc le but, c'était un peu de prendre un aspect, un autre, de la linguistique réelle et de montrer que les romans en SF ont déjà exploré finalement. Il y a une émission qu'on veut faire dans la méthode depuis très très longtemps, c'est effectivement faire une émission complète, on vous réinvitera sur la linguistique de science-fiction, sur les langages imaginaires chez Tolkien, pas uniquement dans la SF d'ailleurs, qui est une vraie... Enfin voilà, bref, c'est une... on prend rendez-vous maintenant, on va cocher nos agendas en sortant. Jean-Sébastien Steyer, vous êtes paléontologue, vous, alors la linguistique on peut effectivement comprendre, hein, le Klingon dans Star Trek, les langages elfes dans chez Tolkien, mais qu'est-ce que la paléontologie peut avoir à faire avec la science-fiction ? A priori, pas grand-chose, effectivement. Moi, j'ai toujours été bercé depuis tout petit par des histoires de dinosaures. Mon grand-père était dessinateur et me dessinait des dinosaures. Et j'étais baigné dans cette culture du monstre et que je retrouve d'ailleurs finalement via la science-fiction. Parce que moi, avec mon œil de paléontologue, je décrypte au regard de la paléontologie justement quelle forme peuvent avoir les aliens que l'on observe au cinéma, que l'on décrit dans la littérature de science-fiction ou que l'on dessine dans la bande dessinée de science-fiction. Donc c'est enrichir, effectivement, comme l'a bien dit Roland Lehoucq tout de suite, c'est enrichir la science-fiction parce que dans science-fiction, il y a science. Et donc on s'amuse, entre guillemets, à parler de science, à faire de la diffusion des connaissances, de la vulgarisation scientifique au travers toutes les œuvres de science-fiction, et c'est effectivement très riche. Qu'est-ce qu'un paléontologue a à dire, par exemple, j'ouvre le livre La science fait son cinéma que vous avez coécrit avec Roland Lehoucq. Qu'est-ce qu'un paléontologue, par exemple, a à dire sur Godzilla ? Ça m'intéresse. Ah, Godzilla, alors c'est une saga, effectivement. Les premiers films japonais, d'ailleurs, ont été censurés aux États-Unis parce que c'est un monstre qui est issu, en fait, de la menace de la bombe atomique. Et puis, on est juste après-guerre, et là, on a une sorte de reptile marin des profondeurs qui émerge et qui va punir, en fait, l'humanité pour ses méfaits. Et quand on regarde, en fait, l'anatomie du monstre en question, alors on observe d'abord deux choses. La première, c'est qu'elle, la taille gigantesque évolue au fur et à mesure de l'histoire du cinéma. Et elle évolue parce que il faut des monstres de plus en plus grands pour détruire, en fait, nos cités qui sont de plus en plus hautes, elles aussi. Donc là, on a un retour, en fait, vers la géographie, ou plutôt vers l'urbanisme, qui est une science humaine et sociale. Et puis, en termes d'anatomie, Godzilla est intéressant parce que il ne présente pas que des caractères de reptiles. Il a une sorte de buste de catcheur, il a un museau un petit peu de chien ou d'ours, il a une posture bipède, et donc il présente en fait une mosaïque de caractères, tel qu'on le nomme en paléontologie, qui nous fait classer Godzilla non pas comme un reptile au sens strict, mais comme un reptile mammalien. D'accord. Et ça, on va pas faire l'exégèse des différentes versions de Godzilla, de celle de Honda en 54 à celle de Gareth Edwards, parce qu'il y en aurait beaucoup trop à dire. Peut-être un mot pour conclure sur cette ambition qui est celle de cette nouvelle collection Parallax. Déjà, pourquoi Parallax, Roland Lehoucq ? Eh bien, la Parallax, c'est finalement le déplacement quand on change de position. On change de point de vue. Et donc, on voit autre chose du monde. C'est finalement le changement de position nous renseigne sur le monde. Et c'est comme ça, la parallaxe en astronomie, qui a été la preuve, la détection de la parallaxe des étoiles, c'est-à-dire d'un petit mouvement très faible, petit mouvement angulaire très faible des étoiles au rythme de la révolution de la Terre autour du Soleil, qui a permis de se convaincre que la Terre tournait autour du Soleil. Et donc, ce changement de point de vue qui a été extrêmement utile pour valider le fait d'abord, un, que la Terre tournait du Soleil et que ça causait ce petit mouvement pour les étoiles pas trop lointaines, si elles sont trop lointaines, cet angle est très très très faible et immesurable, et a permis aussi de mesurer la distance des étoiles et de connaître finalement l'étendue de l'univers. Et le dernier avatar des grandes mesures de parallaxe, c'est le satellite Gaïa, qui a donné ses dernières données sur plus d'1,6 milliard d'étoiles de notre galaxie en avril dernier. Et donc, ce changement de point de vue, c'est exactement ça, finalement, l'ambition de la science-fiction. Changer de point de vue, avoir le point de vue de Sirius, comme on dirait dans Micromégas, avoir le point de vue de Sirius sur notre monde. Et donc, ce décentrement, pour nous, il est utile. C'est passons par la science-fiction pour parler de notre monde. C'est ce que fait la science-fiction quand elle parle du monde des humains, de nos relations humaines, même quand elle met des extraterrestres qui sont des sortes de miroirs des humains, une altérité radicale. Et nous, en passant par la science-fiction, finalement, on va parler de notre monde physique, notre monde linguistique, notre monde naturel. Alors, du coup, il a fallu trouver une sorte de fil rouge entre ces deux volumes, La science fait son cinéma et Comment parler à un alien. On peut croire que c'est compliqué comme ça. En fait, on n'est pas allé très loin. On a utilisé un film, une nouvelle, un récit qui est commun aux deux livres. Écoutez. 8 heures après l'atterrissage, il n'y a toujours aucun signe de premier contact. Les objets font plus de 450 mètres de haut. Maman, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas. D'autres objets similaires ont atterri partout dans le monde. Docteur Banks, je suis le colonel Weber. Tout le monde vous considère comme la référence en matière de traduction. Je dois vous demander de traduire quelque chose pour moi. Il nous faut des réponses dès que possible. Ce qu'ils veulent, d'où ils viennent. Comment peut-on s'assurer de leurs intentions? Il faut qu'on y retourne. Je crois pas avoir besoin de vous dire que vous vous mettez en danger. On a enfin fait connaissance. Faut que tout le monde travaille là-dessus. Tout ce qui est en train de se passer là-dedans ne dépend que de nous deux. Je sais ce que c'est. Ça veut dire quoi? Offrir armes. Ah, ça fait trembler les murs comme une bande-annonce hollywoodienne. C'est la bande-annonce de Premier Contact de Denis Villeneuve, Arrival, en version originale du film, donc avec Jeremy Renner et Amy Adams, adapté de la nouvelle Story of Your Life, l'histoire de votre vie, de Ted Chiang. Ce qui est intéressant, c'est qu'on entend déjà pas mal de choses qui devraient vous faire dresser l'oreille si vous connaissez les deux titres, hein, La science fait son cinéma et Comment parler à un alien. C'est presque la première nouvelle de linguistique fiction, entre guillemets. Comment est-ce que vous pouvez la définir, cette nouvelle, Frédéric Landragin? La nouvelle de Ted Chiang, donc l'histoire de ta vie, je crois, le titre, c'est une linguistique fiction dans le sens où toute la problématique qui sous-tend l'intrigue est linguistique. Est-ce qu'on peut peut-être redire l'intrigue pour les auditeurs qui n'ont pas lu ou qui n'ont pas vu le film? Qu'est-ce qui se passe dans Arrival? Donc des extraterrestres arrivent sur Terre. Alors dans la nouvelle, c'est pas exactement pareil que dans le film. On va prendre le film, on essaye de parler avec eux. Ils sont dans une espèce de pièce avec un verre très très épais qui les isole. Ils sont très pacifiques, hein. Ils arrivent là, des vaisseaux qui se posent sur Terre et puis il se passe pas grand chose. Voilà. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'ils veulent et donc on a besoin de le savoir. Et pour ça, il faut communiquer. Et c'est pas mal d'avoir eu la bande-annonce avant, parce que quand le colonel vient voir la linguiste, il lui demande qu'il a quelque chose à traduire, et très vite dans le film, elle va expliquer que le travail de linguiste, c'est pas le travail d'un traducteur, d'autant plus quand la langue en question est une langue inconnue, parce qu'un alien, forcément, s'il a une langue, on n'en connaît strictement rien, c'est-à-dire qu'on n'a pas de dictionnaire, mais on n'a pas de corpus, on n'a rien. Donc, quand on n'a rien, on se retrouve un peu comme un linguiste de terrain, un explorateur qui arrive sur une île déserte, qui trouve une peuplade et faut commencer à communiquer. Et pour ça, on commence par des choses extrêmement simples. Et donc, on verra dans le film, la linguiste porte un écriteau sur lequel il y a écrit « humain ». Et c'est le point de départ. Un mot peut-être aussi, c'est l'un des chapitres, hein, Curieux extraterrestres, Jean-Sébastien Steyer. Qu'est-ce qui est intéressant pour vous, en tant que paléontologue, en tant que scientifique ou en tant qu'amateur de science-fiction, dans ce film ou dans cette nouvelle de Ted Chiang, L'histoire de ta vie? Ce qui est intéressant, c'est que ces extraterrestres intelligents sont des êtres qui ne nous ressemblent pas. Et ça, finalement, c'est assez rare dans la science-fiction, on va dire mainstream, où automatiquement, par anthropocentrisme, en fait, dès qu'on a un extraterrestre intelligent, il faut qu'il nous ressemble. Alors, il y a des contraintes, effectivement, scénaristiques ou cinématographiques. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que la linguiste, quand elle écoute le premier enregistrement, en fait, de ces extraterrestres, elle emploie finalement la méthode paléontologique que nous employons sur le terrain, à savoir, elle essaie de reconstituer la forme en fonction du peu d'éléments qu'elle a. Et c'est ce qu'on fait sur le terrain quand on trouve quelques fossiles, souvent fragmentaires d'ailleurs. On essaie, grâce à l'anatomie comparée, d'en déduire la silhouette de l'animal et dans quel groupe d'organismes il se rattache. Et là, la linguiste pose la question, enfin, plutôt une affirmation, en disant... D'après ce que j'entends, ces extraterrestres-là, ne nous ressemble pas du tout et il va être très difficile de communiquer avec eux. Elle se pose tout de suite effectivement la question de leur organe phonique, c'est-à-dire par comment ils s'expriment, par quel type d'organe ils s'expriment, juste à l'écoute de l'enregistrement. C'est ça. Et en fait, quand on est après devant ces extraterrestres-là, ils ont des formes tout à fait intéressantes. Ils sont grands, ils ont sept pattes, sept membres. D'ailleurs, dans la nouvelle et dans l'adaptation, on parle d'heptapodes. Hein. Hepta, c'est sept en grec, et podos, c'est le pied. Donc on les range dans une sorte de classe d'êtres vivants que l'on ne connaît pas du tout. Nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes des tétrapodes. Hein. Tétra, c'est quatre. Nous avons deux bras, deux jambes. Et là, on a des extraterrestres qui sont très grands, qui ressemblent à des sortes de grandes poires ou de tonneaux. Et au bout de cette espèce de corps, on a sept tentacules, finalement, qui permettent en fait à l'animal de se mouvoir. Il y a quelque chose, on avait parlé d'ailleurs avec vous, Roland Luc, de ce film, de cette nouvelle à ce micro pour une émission d'été, si mes souvenirs sont bons, mais il y a quelque chose d'intéressant et de très réjouissant, c'est que les deux personnages principaux, ce sont pas des flics, ce sont pas des militaires, ce sont pas des gros bras, ce sont des scientifiques. Oui, ce sont deux scientifiques, c'est même une scientifique. Une scientifique, parce que la personne dans le film vraiment importante, c'est la linguiste. Elle est aussi très importante, évidemment, dans la nouvelle. Alors, dans le film, c'est un physicien qui l'accompagne, et aussi dans la nouvelle. Mais alors, dans le film, on comprend pas bien pourquoi c'est un physicien. On comprend pourquoi c'est un, parce qu'il faut bien un garçon pour qu'ensuite il procrée l'enfant qui va avoir l'histoire de ta vie. Donc là, on comprend. Mais pourquoi physicien plutôt que mathématicien, plutôt que chimiste, plutôt qu'un gars intelligent qui va aider à réfléchir, plutôt que n'importe quoi d'autre? Dans la nouvelle, en revanche, c'est beaucoup plus clair pourquoi il faut un physicien. Parce que Ted Chiang utilise vraiment un ressort de la physique, un point précis de la physique, qui donne la clé involontairement. Il ne comprend pas qu'il donne la clé, mais la linguiste pige tout de suite que c'est ça la clé du langage qu'il va falloir décrypter. C'est que il présente, comme bon physicien, comme font d'autres, des mathématiciens, ça c'est un peu dit dans le film, ils sortent des figures, des dessins géométriques, des théorèmes, des expériences. Bref, ils montrent des choses et ils regardent si ces heptapodes réagissent d'une façon ou d'une autre, même s'ils ne sont pas toujours capables de jauger de la qualité de leur réaction. Ils ont l'air de s'y intéresser ou pas, disons. Et il disait à Louise Banks, à la linguiste, tout ce qu'on lui a montré, tout ce qu'on leur a montré en physique ne les intéressait pas. Et là, aujourd'hui, on leur a montré quelque chose qui est le principe de Fermat. Et là, ils ont réagi. Alors, il y a le principe de Fermat, c'est quoi le principe de Fermat? Alors, le principe de Fermat, en optique, c'est un principe qui dit que la lumière, pour aller d'un point à un autre dans la matière où elle se déplace, ça peut être dans l'air, ça peut être dans le verre et dans l'air, dans l'eau et dans le verre et dans l'air, eh bien, elle va suivre la trajectoire qui rend sa durée de parcours la plus petite possible. Alors, elle dit, ah bon, explique-moi plus. Alors, il lui raconte. Et avec ça, elle comprend la façon dont pensent ces aliens, qui est une façon circulaire. Leur écriture est circulaire. Et elle comprend qu'ils envisagent l'action, ses antécédents passés, ses conséquences futures en une sorte d'une seule phrase uniforme qu'ils traduisent par leur langage d'ailleurs très beau, qui est très bien représenté, très visuellement, très bien représenté dans le film. Alors qu'avant, elle essayait vraiment une écriture linéaire, il y a des mots qui s'enchaînent, il y a des causes et des effets qui s'enchaînent. Et donc, ils sont passés d'une physique causale à une physique totale, oui, mais qui exprime un point de vue simultané. Avec des grands principes. Tu minimiseras ton temps de parcours plutôt que quand la lumière fait ci, il se passe ça. Quand il se passe ça, il se passe ceci. Quand il se passe ceci, il se passe cela, avec un enchaînement de cause à effet. Alors, on va revenir sur cette histoire du langage, de la graphie et de tout ce que Ted Chiang développe dans sa nouvelle. Mais avant cela, on va peut-être essayer de voir, en tout cas d'apercevoir à travers cet extrait, à quoi ressemblent ces heptapodes. Voici quelques-unes des choses que nous ne savons pas à propos des heptapodes. Du grec hepta, sept, et pod, pied. Sept pieds, heptapodes. Qui sont-ils? Tenter de répondre à cette question d'une quelconque façon est entravé par le fait qu'en dehors de notre capacité à les voir et les entendre, la présence des heptapodes ne laisse absolument aucune empreinte. La composition chimique de leur vaisseau est inconnue. La coque n'émet aucun gaz, aucune radiation, ne produit aucun déchet. En supposant que les vaisseaux communiquent entre eux, leurs échanges sont indétectables. Aucune émission sonique, ni aucune onde lumineuse n'altère l'air séparant les vaisseaux. Comment communiquent-ils? Sur ce plan, Louise nous fait tous rougir de honte. La première percée a été de découvrir qu'il n'y a aucune corrélation entre les sons qu'émettent les heptapodes et ceux qui crivent les heptapodes. Est-ce que vous entendez cette absence de corrélation entre le son, entre le langage qui est entendu par Louise Banks au départ et effectivement cette écriture dont on va reparler tout à l'heure avec Frédéric Landragin? C'est intéressant, c'est que ça repose la question un peu justement de la méthode éthologique ou paléontologique que vous pouvez avoir, Jean-Sébastien Seyer, pour essayer de comprendre comment pouvaient communiquer des espèces aujourd'hui éteintes, comment est-ce que les appareils phonatoires étaient placés, quels étaient le type de rapport et de communication de groupe que l'on pouvait avoir en absence de ces espèces. Oui, tout ça implique en fait, tout ça nous montre l'importance de voir les organismes, de voir les espèces, de comprendre en fait comment elles interagissent et surtout d'étudier leur anatomie. Et quand les protagonistes en fait de la nouvelle ou du film sont nés à nez avec les heptapodes, là ils commencent à vraiment à se poser des questions et se demandent si leur symétrie radiale ne va pas empêcher finalement de communiquer d'une manière linéaire. Et effectivement, en symétrie radiale, chez nous en biologie ou en paléontologie, c'est assez typique d'organismes plutôt aquatiques comme les méduses par exemple ou les oursins, c'est-à-dire que ce sont des organismes qui n'ont pas un côté gauche et un côté droit identique comme chez nous. Donc on les classe dans d'autres groupes et c'est en cela finalement que ces heptapodes sont tout à fait intéressants en termes de paléontologie. Et puis il y a un vrai découplement qu'on comprend assez rapidement puisque l'enjeu ça va être de comprendre, c'est pour ça qu'on parlait de linguistique fiction, hein, ça va être de comprendre ce langage écrit, mais on comprend qu'il y a un découplage complet entre les sons qui sont produits et la façon en tout cas de transmettre de l'information entre les individus, Jean-Sébastien Seyer. Oui, il y a une différence entre cette espèce d'écriture. Alors, ils écrivent en plus d'une manière circulaire avec l'extrémité de leurs membres. Ils ont 7 pattes, 7 membres, heptapodes. Et en plus, l'extrémité de leurs tentacules se subdivise en 7. Ce qui leur donne des sortes de mains avec toujours une espèce de symétrie radiale, quelle que soit l'échelle. Et c'est à partir de cette main ouverte que ces heptapodes lâchent une sorte d'encre, un petit peu comme des céphalopodes, des poulpes ou des pieuvres. Et cette encre correspond vraiment en fait à l'écriture visuelle, en tout cas, les communications visuelles entre les espèces. On se pose souvent, et vous l'avez noté tout à l'heure, hein, Jean-Sébastien Seyer, cette question de l'anthropomorphisme. Là, on en est très très éloigné. Et puis on se dit, il y a toujours des façons un peu stéréotypiques de représenter les extraterrestres. C'est-à-dire que là, dans le film, en tout cas, on voit passer plusieurs individus et ils se ressemblent tous, comme si toutes les espèces devaient avoir strictement les mêmes traits. C'est quelque chose qu'on retrouve à un moment donné la faible variabilité, la faible différenciation entre les individus sur une même espèce? Alors tout dépend en fait effectivement des œuvres de science-fiction. Il y a des œuvres où l'extraterrestre intelligent est anthropomorphique. C'est pas évident en même temps de faire du neuf et de faire de la morphologie exotique avec ce qu'on connaît, même si la biodiversité actuelle et passée nous montre qu'il y a une gamme, ou plutôt une infinité de gammes de variations possibles en fonction des morphologies. Mais quand on veut faire passer des émotions ou des sentiments, on retombe un petit peu quelque part souvent dans ces espèces de prototypes de la science-fiction. Alors souvent, pour faire exotique, on rajoute une paire de membres, comme c'est le cas par exemple dans Avatar de James Cameron, et puis on a des espèces de panthères noires qui évoluent dans les jungles ou les forêts obscures sur Pandora, ou alors on a des sortes de ptérosaures qui ont un petit moignon de paire d'ailes et qui indiquent en fait une origine, donc là, hexapode, hexa c'est 6, on a des sortes de chevaux aussi à 6 pattes, donc ça nous dit quelque chose à nous, terriens, mais en même temps, cette paire de pattes en plus, ou paire d'ailes, rajoute le côté exotique que l'on voit souvent dans la science-fiction. Ce qui est intéressant chez Chiang et dans Arrival, dans Premier Contact, c'est précisément que on se rend compte à quel point il nous est difficile, à nous, lecteurs ou consommateurs de science-fiction, de penser l'altérité autrement que qu'à travers le spectre de ce qui nous est connu, de nos représentations mentales, qu'elles soient anthropomorphes ou zoomorphes, telles que celles dont on dispose aujourd'hui dans notre imaginaire commun du vivant. Oui, c'est ça. Et puis alors, ce qui est d'autant plus perturbant, c'est que dans la nouvelle, les heptapodes n'ont pas Dieu. dans le film, on ne voit pas leurs yeux. Mmh. Et dans la nouvelle, l'auteur, Ted Chiang, décrit en fait des yeux. Donc là, on perd complètement nos repères, justement, puisqu'on ne sait pas, un, où regarder, et deux, on ne sait pas comment communiquer. Oui, dans le film, on voit ces espèces de troncs, ça ressemble à des espèces de troncs d'arbres avec des racines animées, en quelque sorte. Oui, en plus, évolue dans une atmosphère très particulière, très brumeuse, derrière une paroi, donc on imagine une atmosphère, des conditions très différentes qui protègent les atapodes de notre atmosphère, ou nous, les humains qui communiquent avec eux, de leur atmosphère. Donc, ça a l'air d'être vraiment des êtres tout à fait différents de ce que l'on connaît sur Terre. Jean-Sébastien Seyer, oui. Oui, et puis on voit qu'il y a cette forme très différente d'espèces de poulpes où votre comparaison avec le monde végétal est assez intéressante aussi. Moi, je les comparerais plus à des sortes de poulpes à 7 tentacules, mais dont les tentacules sont articulées. Quand la caméra s'approche en fait de leur peau, on voit une sorte de cuir grisâtre, un petit peu comme la peau d'un éléphant. Mmh. Et à l'intérieur, on devine en fait des sortes d'articulations. Alors, est-ce qu'ils sont constitués d'une architecture osseuse à base de carbonate de calcium, comme c'est le cas chez les vertébrés terrestres, enfin sur Terre ? Est-ce qu'ils sont constitués de chitine, qui est une sorte de protéine qui rentre dans la composition de, cette fois-ci, de l'exosquelette des arthropodes sur Terre ? On ne sait pas. Et ça renforce le côté mosaïque de caractère évolutif et le côté étrange, en fait, de ces formes de vie complètement nouvelles. Frédéric Landragin ? Oui, alors ils sont très différents, mais en même temps, ils sont quand même proches de nous, dans la mesure où ils font des gestes avec leurs tentacules. Dans le film, on le voit en particulier quand il y a la bombe qui va exploser, il y a un des heptapodes qui fait vraiment un geste qui ressemble à un geste de pointage. Et ça, c'est un point essentiel, parce que dès qu'on est capable de faire un geste de pointage, on est capable de désigner des objets, des êtres humains, soi-même, et de dire des mots pour les nommer. Et à ce moment-là, on peut commencer un apprentissage de la langue. Et c'est précisément l'enjeu majeur, je retarde un peu mon effet, parce que l'enjeu majeur de film, on le dit, de linguistification, ça va être à un moment donné, une fois que la langue orale a été entendue, de comprendre cette langue écrite, cette langue circulaire. Écoutez, ça passe forcément, comme vous venez de le dire, par la confrontation. Louise, je m'appelle Louise. Ça veut dire quoi? C'est un nouveau symbole, je suis pas sûr. Je crois qu'il s'agit encore du symbole qu'ils ont associé à humain. Il y a seulement une petite courbe à la fin. C'est peut-être un point d'interrogation. J'en sais rien. Pour être franc, Louise, j'ai pas l'impression qu'ils comprennent. Professeur Banks, peut-être qu'on devrait passer au prochain mot. Professeur Banks, qu'est-ce qui se passe? Ian, ça va. Il faut qu'il le voie. Elle retire sa combinaison. Professeur Banks, elle s'approche de la baie vitrée. On avance la mission? Demande reçue. Pour l'instant, nous attendons les ordres. Retournez à vos stations. Présentation en bonne et due forme. Ok. Et oui, pour pouvoir se parler, encore faut-il se voir. Ça paraît évident comme ça, mais ça ne l'est pas tant que ça, finalement, dans cet extrait qui est quasiment programmatique de votre livre, Frédéric Landragin, Comment parler à un alien, c'est tout l'enjeu de Arrival. Mais oui, c'est ça. Alors, voilà, donc je parlais du pointage. Bon, là, on y était exactement. Une fois qu'on peut pointer, donc on nomme des objets. Et plus on nomme des objets, plus on apprend de mots de la langue. Mais pour ça, encore faut-il qu'il y ait des objets à proximité, parce que sinon c'est un peu compliqué. Et dans le film, comme ils sont dans une espèce de couloir noir où il n'y a rien, c'est quand même très compliqué. Donc ils en sont à un point où ils miment des actions. À un moment dans le film, on voit le physicien qui marche, et puis il y a un écriteau qui dit « Yann, marche ». Voilà, bon, ça c'est typiquement le genre de choses qu'il faut faire pour commencer à interagir avec l'autre. Le béaba, c'est oui-non quand même. Vous expliquez voilà. Que le béaba, c'est pouvoir accepter ou refuser une proposition. Exactement. Et alors ça, par contre, on ne le voit pas dans le film, mais c'est bien décrit dans la nouvelle. C'est que si on veut progresser dans l'apprentissage de la langue, encore faut-il être sûr que ce qu'on a compris est juste. Et donc, il faut arriver à trouver d'abord le geste ou le mot pour dire, enfin pour confirmer ou affirmer, donc le oui et le non. La linguistique est truffée d'exemples qui sont des malentendus en fait entre justement la désignation d'un mot et d'un objet et en fait justement la compréhension de est-ce qu'on désigne l'objet ou est-ce qu'on est dans un contexte beaucoup plus trouble. Oui, alors dans le film et dans le livre, c'est à travers une anecdote où les explorateurs arrivent en Australie, voient un animal qui sautille avec des bébés à l'intérieur d'une poche et demandent à un indigène comment ça s'appelle. L'indigène répond « kangourou », ok, ils prennent ça comme le nom de l'animal. Sauf que, petit à petit, en interagissant, ils arrivent à comprendre que « kangourou », ça veut dire, en fait, « je ne vous ai pas compris ». Bon, alors c'est une anecdote qui est fausse, d'ailleurs ce qui est dit dans le film et dans le livre, mais qui illustre très très bien un problème qui a pris le nom de Gavagai, après des travaux du philosophe du langage Quine, et où là, la situation, c'est un lapin blanc qui arrive dans la garenne, qui détale, il y a quelqu'un qui pointe du doigt vers ce lapin blanc et il dit « Gavagai ». Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ça veut dire lapin ? Est-ce que ça veut dire blanc ? Blancheur ? Il court vite à un animal ? Malédiction ? Au secours ? Ça peut être des dizaines... Extrêmement polysémique. Oui, exactement. Et donc, ce n'est qu'avec la confirmation, l'information, qu'on peut avancer un petit peu et reprendre, par exemple, un pointage vers un autre animal, blanc aussi, et refaire « est-ce que c'est Gavagai ?» Et si l'autre dit oui, bah à ce moment-là, il y a plus de chances que ce soit blanc que lapin. Oui, oui, et puis sur d'autres types d'exemples, je ne sais pas si on a le temps vraiment de rentrer dans le détail, mais avec quand on pointe un pot, est-ce que c'est le pot, est-ce que c'est le contenant, le contenu, le col du pot, le bas du pot ? Vous pouvez peut-être dire un mot de ça, de Frédéric Landrevin. Oui, parce que ça, c'est un extrait, effectivement, que j'ai cité dans mon livre, qui est issu d'un roman qui s'appelle « Le moineau de Dieu », qui est un très très bon livre sur le premier contact avec des extraterrestres, et où on voit justement un linguiste qui arrive donc dans une planète, voilà, et qui tente toute cette compréhension vraiment fine du sens des mots, au point que le passage est long, parce que bon, bah forcément, c'est un processus qui est très très long. Et quand on voit le nombre de mots qu'il y a dans la langue, avant qu'on arrive à poser une question du genre « qu'est-ce que vous venez faire ici sur Terre ?», il faut un certain nombre d'étapes. Et d'ailleurs, dans le film, le premier contact, ces étapes sont par le passage que vous avez passé là, il y a un quart d'heure, avec une voix off, parce que c'est fait pour dire « attention, là, il se passe des choses qui durent très longtemps ». Alors, ce qui est intéressant, par ailleurs, dans cette enquête linguistique de This is your story, de C'est ton histoire, c'est que il y a un vrai, de la part de Ted Chiang, une vraie pensée linguistique qui convoque, entre autres, Chomsky, mais pas uniquement, sur qu'est-ce que c'est que communiquer et comment, finalement, notre façon de communiquer structure notre pensée, mais même plus encore notre conception du réel. Oui, alors voilà, là c'est l'hypothèse de Sapir-Whorf. Donc le principe, c'est que les mots de notre langue ont une influence sur notre manière de percevoir le monde. Et la science-fiction s'est emparée de cette thèse en la poussant à l'extrême, puisque, comme on le disait tout à l'heure, la science-fiction, c'est un laboratoire où on pousse à l'extrême toutes les hypothèses que l'on peut faire, et puis on décrit et on regarde ce que ça peut donner. Et à l'extrême, bah, c'est le déterminisme linguistique, c'est-à-dire que, vraiment, quand on apprend une langue étrangère, donc comme Louise Banks apprend la langue des heptapodes, et bah, elle se met à penser comme eux, elle se met à avoir des visions du futur, et voilà. C'est de changer son rapport temporel et c'est alors on gâche un peu la fin mais pas complètement, on va essayer de garder un peu le rebondissement final pour les auditeurs qui n'auraient pas vu le film ou qui n'auraient pas lu cette nouvelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est là aussi on est vraiment face à des problématiques linguistiques qui sont des problématiques que l'on rencontre quand on essaye de déchiffrer une langue écrite que l'on ne connaît pas, qui n'utilise pas a priori de système alphabétique alphabétique qui soit perceptible. On est exactement dans ce type d'approximation qui nous permet aussi de comprendre pas seulement ce qui est signifié par écrit, mais la façon dont on perçoit le monde, ses hiérarchies, ses structures sous-jacentes. Oui, alors il y a un exemple qui est repris très souvent, c'est celui des couleurs. Il y a des langues pour lesquelles il n'y a pas de mots pour la couleur orange. Bon, ben voilà, on est entre le rouge et le jaune. Est-ce que le fait qu'il n'y ait pas de mots pour dire orange a une influence sur la manière dont les locuteurs de la langue vont percevoir les couleurs du monde? Bon, ben en français, on n'a pas de mots entre l'orange et le rouge. Ça ne nous empêche pas de dire le rouge-orangé. Donc, de toute façon, pour revenir à l'hypothèse de Sapir-Whorf, on va dire que globalement, elle est plutôt fausse dans la mesure où même si il n'existe pas à chaque fois le terme exact dans la langue, de toute façon, la langue est d'une liberté telle qu'elle permet de trouver un moyen, une périphrase ou un adjectif pour atteindre un sens très précis. Et du coup, ce qui est intéressant aussi, c'est que comme tout à l'heure, on évoquait le fait que les heptapodes sont très loin d'une représentation classique anthropomorphique des extraterrestres. Là aussi, cette écriture en cercle, qui est une écriture sémasiographique, pense la façon de s'exprimer de manière très très distincte. Et c'est ça qui fait vraiment le sel et l'intérêt de ce film ou de cette nouvelle. Frédéric Landragin. Du film, parce que dans la nouvelle, on ne les voit pas. Hein. On n'a pas de schéma de l'écriture, il n'y a pas de transcription, il n'y a rien. On devine un petit peu parce qu'elle est décrite, mais du coup, ça reste un petit peu abstrait. Dans le film, alors là, par contre, au contraire, c'est bien rendu. Et c'est même un aspect très, très important, parce qu'il est visuel, c'est graphique, c'est beau en plus. Donc, voilà, on va vous mettre des images sur le fil Twitter de l'émission. Ouais. Ça contribue au côté étrange des extraterrestres, et ça, c'est positif. Alors après, dans le film, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit comment les linguistes, enfin Louise Banks en particulier, mais aussi toute l'équipe qu'il y a derrière, arrive à implémenter un système sur ordinateur pour décrypter ces cercles. Et on voit à un passage, un moment où chacun des cercles est segmenté, où il y a des zones signifiantes qui sont entourées avec une étiquette à côté qui dit ça c'est peut-être pour armes ou pour cadeaux ou voilà. Et ça ressemble, oui, effectivement au travail que peut faire un linguiste. Roland Louk, sur cette écriture. Sur, oui, cette écriture, elle est intéressante, elle est circulaire. On a l'impression qu'on ne sait pas par où commencer. Nous, il y a une phrase, il y a un début, il y a une fin. Alors, on dit de gauche à droite, de droite à gauche, haut en bas ou bas. Bref, il y a un début, il y a une fin. C'est une ligne structurée différemment selon différentes langues. Là, ça se referme sur elle-même. Et c'est tout à fait dans l'idée. C'est en ça que le physicien, dans la nouvelle, est très utile. Parce que là, il réalise que les heptapodes ont construit leur physique, non pas par une physique causale, telle qu'on l'écrit, avec des causes et des effets qui s'enchaînent, et qui progressent finalement du présent vers le futur, mais avec des grands principes. Tu minimiseras ton temps de parcours, tu optimiseras la quantité d'énergie pour faire ci, etc., qui sont des règles qui permettent qu'on peut retranscrire. Notre physique causale peut être retranscrite de façon équivalente dans ces règles, mais eux apparemment ont d'abord écrit ces règles pour élaborer leur physique et leur écriture. Et là, on en arrive à l'hypothèse Sapir-Whorf, c'est que du coup, ça a une conséquence sur la façon dont ils imaginent les choses. Parce qu'après tout, comment le rayon lumineux sait où il doit aller? Il doit minimiser sa durée de parcours très bien, mais ça laisse supposer que de là où il part, il doit savoir là où il doit arriver. Et vous voyez que là, on est dans une situation très compliquée. Pour nous, on dit le rayon, il a l'air de savoir où il doit aller. Non, le rayon ne sait pas où il doit aller. Et donc, eux, s'ils transcrire ce principe de Fermat à l'optique, de l'optique à la linguistique, c'est dire, alors les heptapodes, par leur langage, sont capables de transcrire à la fois le présent, le passé qui motive l'action présente, et les conséquences futures de l'action, et donc en une seule phrase circulaire, où on ne sait pas commencer, puisque finalement les choses sont sur la même. Importance, oui. Frédéric Landragin. Oui, alors dans le livre, ce qui est très bien fait, c'est qu'il y a la théorisation de ce principe-là en linguistique. Donc l'auteur s'appuie sur la théorie des actes de langage. Donc les actes de langage, c'est quoi? C'est que quand on parle, on pose des questions, on donne des ordres, donc on attend une réponse en fonction. Et il y a des actes dits performatifs, comme la promesse. Par exemple, si je dis « je te promets de venir », rien qu'en 10 ans, je fais la promesse. Je vous déclare uni par les liens du mariage, c'est pareil, c'est une phrase où on fait l'action en la disant. Et Ted Chiang, il conclut en disant, bah, chez les heptapodes, tous les actes de langage sont performatifs. Jean-Sébastien Steyer, un mot à propos de ces enjeux linguistiques, même si vous n'êtes pas paléontologue. Ils sont intéressants et puis ils montrent que les problèmes de communication ne sont pas que interspécifiques. Et finalement, nous, humains, on a du mal à communiquer parfois entre nous. Donc on peut se demander si on va pas avoir du mal de communiquer avec une autre espèce, d'autant plus extraterrestre. Mais quand on regarde en fait la morphologie, encore une fois, de ces extraterrestres, elle est assez originale dans le sens où quand on compare avec d'autres œuvres où la communication extraterrestre est très importante, je pense par exemple à Rencontre du troisième type de Steven Spielberg, là on a affaire à la fin à des formes de vie extraterrestres intelligentes qui retombent malheureusement dans notre vision un petit peu anthropocentrique du petit gris. Alors il y a des êtres avec des têtes, avec des bras, avec des jambes plus ou moins filiformes, il y a deux ou trois morphotypes dans Rencontre du troisième type. Mais grosso modo, on retombe dans le stéréotype classique, malheureusement, de l'IT intelligent. Et je ne résiste pas à la tentation, pour conclure cette émission, de vous faire écouter un autre extrait d'un autre film qui met en jeu cette problématique de compréhension, de communication entre deux espèces, la nôtre et une espèce extraterrestre. Écoutez. I am the Martian ambassador. We come in peace. We come in peace, we come in peace. We come in peace. They came in peace. Voilà, l'histoire prouvera qu'ils ne sont pas vraiment venus en paix, qu'il y a eu un petit problème d'interprétation. Frédéric Landragin. Ah oui, Mars Attacks. Je me souviens bien de Ne courez pas, nous sommes vos amis. Ça, alors qu'ils se font dézinguer, ils se font tirer dessus. Voilà, ouais, c'était vraiment pour le clin d'œil. Un dernier mot, on arrive à la fin de cette émission. Roland Loup, puisqu'on vous tient, il y a les Utopiales qui arrivent bientôt. C'est à la fin du mois. Nous y serons. C'est un événement dont France Culture est partenaire. Dites-nous un mot quand même de cette édition 2018. Alors, cette édition va commencer le 31 octobre et jusqu'au 5 novembre. Et le 5 novembre, c'est la journée réservée aux scolaires. Et donc jusqu'au 4 novembre, au dimanche 4, pour le grand public. Et donc le thème de cette année, ça se passe à Nantes, rappelons-le. Ça se passe à Nantes, c'est vrai, c'est Nantes. Important, oui. À la Cité des Congrès à Nantes. Et le thème de l'année, c'est corps, et qui sera décliné comme chaque fois aux Utopiales, le thème principal, disons, en sous-thème. Il y aura le corps physique, qu'il soit matière inerte ou matière vivante, le corps virtuel, le corps psychique et bien sûr le corps social. Et donc il y aura à peu près 170 tables rondes, rencontres avec les auteurs, une université éphémère. On va aborder sous forme de conférence des thématiques proches du thème, d'abord du corps, mais de la science-fiction en général. Et donc, qui vont balayer, eh bien, ce thème du corps aussi souvent, aussi largement que possible, avec une programmation, donc, de table ronde, bien sûr, mais aussi de cinéma. Il y aura 130 et quelques films et courts-métrages, avec un gros programme de courts-métrages, avec une compétition internationale pour les courts-métrages et pour les longs-métrages, des expositions, jeux de plateau, jeux vidéo, manga, enfin, etc. Tous les supports de la science-fiction sont représentés. Pendant 5 jours, on en prend plein les yeux. Et puis nous y serons, France Culture y sera, notamment le vendredi, toute la journée sur la grande scène, la méthode scientifique. Nous parlerons, ce sera le 2 novembre, de la question du corps cybernétisé, le cybercore, le cyberpunk. Ce sera l'objet d'une première table ronde. Et puis nous aurons une deuxième table ronde, nous enregistrerons un grand entretien avec un auteur qu'on aime beaucoup, Christopher Priest. Donc soyez les bienvenus aux Utopias à la Nantes. On vous met toutes les informations sur le fil Twitter de l'émission, @laméthodefc. Merci beaucoup d'être venu, merci Roland Lehoucq, merci Frédéric Landragin, merci Jean-Sébastien Steyer. Et merci aux camarades de France Bleu pour le duplex. Je rappelle, cette nouvelle collection Parallax, c'est aux éditions du Belial. Les deux tomes viennent de sortir en librairie. La science fait son cinéma, par Roland Lehoucq et Jean-Sébastien Steyer. Comment parler à un alien, langage et linguistique dans la science-fiction, par Frédéric Landragin. Et puis, puisqu'on parle d'extraterrestres, les idées claires sont consacrées précisément cette semaine à la question des ovnis. Les ovnis, est-ce que ça existe? Eh bien, la science a des choses à vous dire sur ce qui se passe d'un peu mystérieux dans le ciel. Mauvaise nouvelle, c'est vraisemblablement pas les extraterrestres. Et puis c'est un dernier mot aussi pour vous rappeler que c'est tout au long de ce mois-ci et de ce mois d'octobre le mois de l'imaginaire. Là aussi, toutes les informations sur le fil Twitter de l'émission. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, c'était Julien Doumain qui a la technique. Dans les prochains épisodes, lundi on vous parle de Denisova, mardi on vous parle de l'Asie spatiale, mercredi de la lecture de pensée par les ordinateurs, jeudi d'Erwin Schrödinger et pas seulement de son chat, et vendredi Actu. Demain c'est Étienne Klein à 16h, on se retrouve lundi à 16h jusqu'à preuve du contraire.